Ndikomanyanga. Erukwimane de l'autre côté de la vitrine, bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord le sommaire. Deux personnes ont été arrêtées la semaine dernière en commune Mugina de la province Cibitoke et sont poursuivies pour complicité présumée dans l'enlèvement suivi de meurtre de deux enfants de 18 et 19 les 18 et 19 mai dernier. Notre correspondante sera en ligne pour plus de précisions. Et le site Matiazo de la commune Mouvimbi en province Bujumbura où ont été relocalisées les victimes des inondations de Gatumba manquent cruellement d'eau potable. Ce sera dans le reportage de notre confrère Omer Douaï qui s'est rendu sur les lieux. Le glissement de terrain qui s'observe sur la colline Gikungu rurale en zone Guiusha est lié à la nature du terrain qui est argileux. Vous entendrez les explications d'un enseignant d'université. Dans la chronique santé, nous parlerons du choléra. Ce sera la fin de ce journal mis en onde par Rekouimana. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page justice. La Cour suprême a siégé en appel pour la deuxième fois ce mardi à la prison centrale de Gitega dans l'affaire Bougnoni et ses co-accusés. Aujourd'hui, c'était le tour de Désiré Ouamahoro qui commandait la brigade anti-émeute et comme Sabimana, chargé des constructions du général Bougnoni et qui avait tous interjeté appel. Après l'audition, la cour a mis l'affaire en délibéré et le verdict sera prononcé dans un délai des mois calendrier. Les détails avec Arthur Kavabushi qui a suivi pour nous ce procès à la prison centrale de Gitega. Au deuxième jour du procès marathon, un appel auprès de la Cour suprême siégeant à la prison centrale de Gitega, c'était le tour de Désiré Ouamahoro qui a interjeté appel au premier jugement. Le prévenu, accompagné de son avocat, a commencé par montrer les irrégularités qui ont caractérisé ce procès depuis son interpellation et après il a montré que le ministère public a manqué de preuves et qu'il a même refusé la comparution des témoins cités dans cette affaire. Quant au chef d'accusation dans le complot contre l'autorité de l'État et la violation du secret professionnel, l'officier du ministère public a demandé que les peines restent les mêmes. L'autre prévenu était comme Sabimana, qui était ingénieur d'Alain Guillaume Bougnoni et qui a interjeté appel à un seul chef d'accusation, à savoir le complot contre l'autorité de l'État. Il a demandé d'être acquitté. Ce dernier était sans défense. Après avoir auditionné les deux prévenus, la Cour suprême en appel a demandé à tous les prévenus de clôturer leur défense. Alain Guillaume Bougnoni a montré qu'au délit d'enrichissement illicite, c'est infondé vu que le délai de prescription est écoulé et qu'il a même déclaré tous ses biens. Il a d'ailleurs demandé son acquittement, de même qu'aux autres chefs d'accusation, faute de preuves de la part de l'officier du ministère public. Quant à la saisie de ses biens, Alain Guillaume Bougnoni a demandé de ne pas le faire, puisque ce sont des biens appartenant à sa communauté familiale, a-t-il dit. Que ce soit Destino Fumukeko, Désiré Ouamahoro et comme Niyonsaba, tous ont demandé d'être acquittés. Cependant, le ministère public a requis la peine d'avant, c'est-à-dire la perpétuité pour Alain Guillaume Bougnoni et 15 ans de prison pour les autres. Le procès a été mis en délibéré et le verdict sera rendu dans un délai d'un mois calendrier. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi, Radio Sanganilo. Merci à Arthur Kavabushi pour tous ces détails. Deux personnes sont dans les mains de la police judiciaire de la commune Mugina, province Cibitoke, depuis la semaine dernière, accusées d'avoir une main dans l'enlèvement et exécution de deux enfants. L'un a été enlevé samedi le 18 mai et retrouvé mort le lendemain. L'autre enlevé le dimanche le 19 mai et retrouvé mort lundi. Les habitants de la zone Rugajo où a où a eu lieu ce double où il a lié ce double crime réclame des enquêtes rapides pour que ces malfaiteurs soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi. Les états avec Space Caritas Kabanyanda. Les habitants de la zone Rugajo, surtout ceux de la colline Rugajo, en commune Mugina, de la province de Cibitoke, se lamentent, disent qu'ils ont peur des disparitions forcées envers deux enfants qui ont été retrouvés morts une journée après. L'un est un garçon de 13 ans qui vendait de l'arachide et enlevé par un inconnu samedi le 18 de ce mois sur la colline Rugajo. Son corps a été retrouvé le lendemain sur la colline Muyange, proche de Rugajo, selon les habitants de la localité. La deuxième victime est une fillette de 2 ans et quelques mois. Personne ne sait comment elle s'est séparée de ses parents dimanche le 19 à l'église. Elle a été également retrouvée morte le lendemain dans une petite rivière séparant Muyange et Rugajo, selon la même source. Les défenseurs des droits de l'enfant en commune Mugina s'inquiètent également de la situation et demandent que les enquêtes soient faites afin que les coupables soient sanctionnés selon la loi, comme le demande Saïdi Habumugisha, représentant la FENADEB dans cette commune de Mugina. Du côté de l'administration, on tranquillise et on explique que les enquêtes sont en cours. Delphin Nzobakenga, secrétaire exécutif et permanent en commune Mugina, précise également que 2 suspects sont déjà dans les mains de la police pour enquête. Space Caritas Kabanyana en province de Cibitoke pour la radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana. Cap sur le sud du pays, où les Burundais en général et les chrétiens pentecôtistes en particulier sont appelés à suivre l'exemple de celui qui était président de l'Assemblée générale et de la communauté des églises pentecôtes au Burundi. Cet appel est d'Imelde Sabushimi qui est à la tête d'une délégation gouvernementale lors des cérémonies funéraires du révérend pasteur Edi Ndikunyiko ce mardi à Kilemba, en commune et province Bururi. Pour ce ministre, son amour envers son prochain et ses projets de développement, surtout dans le secteur de l'éducation et de la santé, doivent être pérennisés. Les détails avec Jean-Pierre Misako. À côté de l'évangélisation, surtout dans les provinces du nord et du centre du Burundi, soutenu par feu révérend pasteur Abdenego Madengo, son prédécesseur à la tête de l'église de Pentecôte de Kiremba, feu révérend premier pasteur Eli Ndikunyiko, président de l'Assemblée générale de la communauté des églises de Pentecôte au Burundi, jusqu'à sa mort le 7 mai 2024, s'est illustré dans des projets de développement du pays. Selon révérend pasteur Eliakim Nirikana, deuxième pasteur de l'église de Pentecôte de Kiremba, le révérend premier pasteur Eli Ndikunyiko est parmi les grands artisans de la scolarisation dans cette église. À sa mort, l'église de Kiremba compte en effet à son actif 142 écoles de la première à la sixième année et 116 écoles fondamentales auxquelles s'ajoutent plusieurs centres d'alphabétisation des adultes. Quant à l'enseignement post-fondamental, l'église compte 52 écoles. Quant à l'enseignement supérieur, feu Eli Ndikunyiko est parmi les initiateurs de l'Université des Grands Lacs. Dans le domaine de la santé, l'église de Kiremba compte 2 hôpitaux et 8 centres de santé auxquels il faut ajouter le centre pour handicapés de Gakwende. Feu révérend pasteur Eli Ndikunyiko est parmi les initiateurs de l'orphelinat de Kiremba qui depuis 1962 a déjà accueilli plus de 1000 orphelins avec aujourd'hui 87 orphelins encore y abrité. C'est cet héritage d'un homme de Dieu, rassembleur avec des œuvres réalisées à cœur bienveillant et sans discrimination, comme l'ont témoigné les évêques des diocèses catholiques de Bururi et anglicans de Matana, Kimelde Sabushimike, ministre de la Solidarité nationale, à la tête d'une délégation gouvernementale dans ces cérémonies, appelle à pérenniser. Révérend premier pasteur Eli Ndikunyiko s'est éteint au Canada à l'âge de 84 ans. Jean-Pierre Misago depuis Kiremba, commune Bururi, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page économie, commerce présent, le prix du pain a connu ces derniers jours une augmentation située dans l'intervalle de 500 à 800 francs bout, si bien que celui qui coûtait 3200 francs au détail s'achète aujourd'hui à 4000 francs bout et celui qui s'achetait à 2500 coûte maintenant 3000 francs bout. Certains boulangers en ville de Bujumbura expliquent que cela est dû à la hausse des matières utilisées dans la fabrication du pain. Ils proposent au gouvernement de diminuer les impôts. Le détail avec Jean-Pierre, Jean-Marie Mayonk. Dans différents boulangers de fabrication des pains et qui font leur vente visitée, nous avons constaté que les prix ont connu une augmentation énorme alors que le pouvoir d'achat des citoyens est trop bas. Boulangerie Saint-Thomas de Jabé, les vendeurs des pains en détail, même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, nous ont signalé que les prix ont connu une hausse très élevée. Le pain qui était à 1000 francs burundais est vendu aujourd'hui à 1300 francs burundais et les acheteurs ne sont pas nombreux suite à la pauvreté dans les familles. Boulangerie Jessie, qui se trouve à la permanence. Le constat est le même selon un des travailleurs dans ce boulangerie qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Nous nous sommes dirigés vers boulangerie Goshen. Le gérant de ce boulangerie précise que les prix du pain ont changé depuis le début de l'année 2024 où le pain coupé qui était à 3000 francs burundais aujourd'hui est à 4000 francs burundais. Il explique que tout cela est dû à la hausse des produits utilisés dans la fabrication des pains qui sont importés à un prix élevé. Ce boulanger signale également que les consommateurs ne sont pas nombreux car leur pouvoir d'achat a diminué. Ils demandent au gouvernement de voir comment intervenir en diminuant les impôts et taxes sur les produits importés et utilisés dans les boulangeries et d'augmenter le pouvoir d'achat pour les consommateurs afin qu'ils puissent acheter ce produit comme ça se faisait dans le temps passé. Page agriculture à présent, une grande partie des marais de la rivière Jiji n'est plus exploitée, surtout du côté des communes Songa et Burudi, suite aux eaux de cette rivière qui inonde les aires cultivables. Ceux qui cultivaient la pomme de terre très rentable dans ces marais demandaient leur réaménagement. Les chargés de l'agriculture à Burundi disent que cette question relative au marais de Jiji a été déjà transmise au niveau du ministère de tutelle de l'État avec Zenon Zabimane. Une grande partie de ce marais de la rivière Jiji non exploité est située sur les collines Mutinda de la commune Songa et Nyaviamo de la commune Burundi. Cette partie est inondée par les eaux de cette rivière dont les rives sont toujours débordées pendant la période pluvieuse malgré les courbes de niveau qui ont été tracé sur les collines et surplombant cette rivière. D'autres herbes couvrent également une autre partie non exploitée. Certains des anciens exploitants de son marais de Jiji déplorent qu'il n'est plus exploité à leur satisfaction, alors que différentes cultures comme le pomme de terre étaient beaucoup productives dans son marais. Ils trouvent que c'est une grande perte pour eux et pour tout le pays. Ces agriculteurs proposent au ministère ayant l'agriculture dans ses attributions d'essayer d'autres cultures comme le riz dans son marais de Jiji ou faire d'autres études pour que son marais soit aménagé et exploité. Cette question relative au marais de Jiji non exploité a été déjà transmise au niveau du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions selon les employés du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Burundi. Ils appellent ces agriculteurs à continuer l'exploitation de la partie en bon état en attendant l'aménagement de tout le marais de Jiji. Depuis le marais de Jiji en commune Songa, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Parlons à présent environnement. Le glissement de terrain qui s'observe sur la colline Gikung rurale en zone Guiocha est lié à la nature du terrain qui est argileux. Le chercheur et enseignant d'université Dedile Kugimana explique également que cet endroit est au niveau du Rift Valley africain. Il trouve que des experts en géologie et en eau et en génie civil devraient travailler ensemble pour trouver une solution durable. Il propose aussi au gouvernement de faire une cartographie pour identifier les zones à risque. Suivez-le, il est au micro d'Olidi Gaimbat. Le phénomène que vous avez observé dans Gikungu Rural est un phénomène lié à la nature des terrains. Nous sommes dans un terrain du rift africain, dans le côté ouest, côté occidental. Alors, dans le contexte du rifting, vous avez la plaine et les contreforts. Entre les deux, le rencontre, c'est le piémont. Là, nous avons des dépôts d'argile. Ces dépôts, alors, commencent par des petites érosions. Par après, au fil du temps, ces érosions s'élargissent. Vous constatez qu'il y a maintenant une grande ouverture. Donc, c'est lié à la nature des sols, mais aussi, ça peut être lié par l'homme qui aggrave la situation, en y ajoutant l'eau provenant des toitures. Est-ce que ce phénomène est naturel? C'est un phénomène qui est naturel, mais si on fait des analyses, on constate que l'homme aggrave la situation. J'étais en train de voir sur les images satellitaires, j'ai constaté que l'eau glissement existait depuis les années 2000, mais le quartier n'existait pas. Par après 10 ans, j'ai constaté que quand même le glissement s'est élargi. Donc, pour dire que l'homme aussi aggrave la situation malgré que c'est un glissement qui est purement naturel. Est-ce que le réaménagement est possible? Le réaménagement est très possible, mais ça va demander beaucoup de moyens. Il faut, par exemple, canaliser l'eau qu'on observe là-bas, canaliser l'eau de la rivière, du cours d'eau, ce qui s'appelle Nyenzari, qui traverse le quartier Gikungu, Kihal. Il faut aussi maîtriser les eaux provenant des toitures. Là, je donne un exemple, par exemple, comment on a aménagé la partie de Vugizo. On a fait un drainage souterrain et maintenant on a réduit la situation. Selon vous, selon vos analyses, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation ne s'aggrave pas? Dans l'immédiat, je ne vois pas une proposition. Mais je peux quand même dire que les gens qui sont au-dessus du ravinement doivent quitter le lieu. Je propose aussi aux décideurs de faire une cartographie détaillée des zones à risque avant toute construction. Je propose aussi qu'on puisse faire des drainages de l'eau provenant du quartier Gikungu Rural. À la source, reportage. Le site Matiazo de la commune Mobimbi en province de Bujumbura, où ont été relocalisées les victimes des inondations de Gatumba, manquait d'eau potable. Ces personnes ont été placées sur une haute montagne et puisées de l'eau juste en bas de cette montagne. Un trajet jugé très fatigant, le cas échéant. Ils se voient obligés de payer 300 francs bout et plus le bidon d'eau. Le responsable de ce site, Abdul Karim, demande aux organisations qui leur ont promis une adduction d'eau de le faire avant qu'ils n'attrapent les maladies de main sale. Le reportage d'Omer Ndouayou. Je vous le demande. Il est construit en chitin blanc, le site Matiazo, sur le point culminant de la montagne. Nous quittons Bujumbura en direction de Bubanza. Arrivés à Muyange, nous empruntons la route en terre battue, à droite, vers la localité appelée Businde, de la colline Gisagara, à mi-chemin entre Matiazo et Mubimbi, à environ 20 km de la ville de Bujumbura, après un long trajet. Nous débarquons sur un petit marché, nouvellement bâti, aux divers articles couramment utilisés, notamment la viande et le poisson. Arrivés dans le site proprement dit, les femmes et les enfants s'attellent aux activités ménagères. Les hommes et les jeunes garçons sont désœuvrés. Des installations solaires y sont disponibles pour l'éclairage du site, mais aucun robinet d'eau. Les occupants de ce site indiquent que le manque d'eau est un problème sérieux. C'est vraiment situé à une haute altitude. Je m'arrête et m'assois trois fois en descendant. Et pour monter, c'est six fois. J'en ai pas l'habitude. Depuis que je suis né, c'est ma première fois que j'apprends ces montagnes. J'amène un bidon de 5 litres par les mains. Celui de 10 litres, je ne peux pas le porter sur la tête. On puise très loin. Il y a des gens qui viennent d'autres sites pour puiser des bidons pour 500 francs bout. Si c'était dans la vallée, je pourrais moi-même aller puiser des bidons. Ce n'est pas possible maintenant à mon âge de porter même un seul bidon sur la tête. Ils disent que même s'ils en trouvent, aucune goutte d'eau n'est perdue. Aujourd'hui, tu peux avoir 300 francs pour puiser. Tu ne sais pas si tu en auras demain. J'essaie donc de bien gérer. Je me lave une petite quantité juste pour enlever la sueur. Un bidon plein, je le partage en trois pour la douche, la cuisine et pour boire. Son manque d'eau est connu des responsables du site. Selon Abdul Khalim, représentant du site, la question est déjà soumise aux autorités. Le grand défi de son site, c'est de l'eau pour avoir un seul bidon. L'on paie 300 ou 500 francs. Les occupants de ce site n'ont pas de travail. Dépenser de l'argent chaque jour, ce n'est pas facile. On en a parlé à l'UNICEF et on nous a dit que son problème va être réglé. Contacté par téléphone, Dismas Arimenshi, administrateur communal de Mubimbi, appelle les occupants de ce site d'environ 600 familles qui utilisent des toilettes publiques à utiliser l'eau d'en bas de cette montagne en attendant la finition de l'addiction d'eau en cours. Radio Isanganiro, chronique santé. Le choléra est une infection intestinale causée par la bactérie Vibrio cholerae, touchant le tube digestif. Docteur Yves Nyonguru indique que le choléra se caractérise par la diarrhée abondante, entraînant une forte déshydratation. Cette maladie se propage par l'eau et les aliments contaminés. Chronique santé avec Ornella Mucho. Après une incubation allant de 2 heures jusqu'à quelques jours, les symptômes du choléra comme une diarrhée aqueuse afécale sans présence de sel et présentant un aspect d'eau blanchâtre avec des débris cellulaires apparaissent. Le médecin Yves Nyonguru donne des précisions. Lorsqu'une personne est atteinte de choléra directement ou après quelques jours de la contagion, elle va développer donc des diarrhées massives, intenses, une diarrhée, je dirais, qui est caractérisé par des pertes liquidiennes ressemblant à l'eau, mais aussi elle va faire des vomissements qui peuvent entraîner de la déshydratation. Le choléra, elle peut développer des douleurs abdominales ou des crampes musculaires, mais la vraie caractéristique, ce sont les diarrhées aqueuses et aussi les vomissements. La transmission du choléra se fait par les selles des personnes infectées. Alors, comme toute autre maladie, les bactéries sont là. Surtout pour le choléra, les bactéries vont se stocker, je dirais, dans les eaux usées, les eaux donc qui sont utilisées et qui, donc, à un moment, elles ont été contaminées. Et puis, la bactérie va rester là, je dirais, sans même causer de gravité des pathologies. Mais lorsqu'il y aura des catastrophes naturelles, disons l'inondation qui va éparpiller l'eau et que cette eau va être utilisée, les personnes vont contracter cette bactérie en ingérant l'eau qui a été contaminée. Donc, par après, ils vont développer alors les signes de la maladie. Le médecin Yves Nyonguru conseille les gens de conduire en urgence la personne souffrant du choléra aux structures sanitaires, mais qu'il faut tout de même essayer d'hydrater la personne avec de l'eau en cours de chemin pour diminuer les complications. Il faut qu'il sache que lorsqu'une personne est tombée malade, il faut directement la cheminer à l'hôpital. C'est vrai que pour les cas de choléra, de même que les autres pathologies qui entraînent la perte massive d'eau par les diarrhées et les vomissements, il faut commencer la réhydratation orale à la maison. Mais il ne faut pas que le patient ou la patiente reste à la maison. Il faut donner de l'eau, mais à la cheminée, à l'hôpital, dans une structure spécialisée pour une bonne prise en charge. Le choléra peut tuer en quelques heures s'il n'est pas traité à temps. C'est ce que le médecin Yves Nyonguru précisera dans notre prochaine chronique santé. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumananga. Bonne suite des programmes sur Isanganiro.